ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Steinberg, naissance et mort d'un empire de l'alimentation. Steinberg, un nom synonyme de qualité et d'économie pour la ménagère. Quand vous magasinez au rayon des viandes Steinberg, vous recherchez trois choses avant tout. Fraîcheur, qualité et économie. Vous obtenez ce qu'il y a de mieux chez Steinberg. L'histoire de Steinberg, c'est l'histoire d'une famille d'immigrants juifs qui arrive au Canada en 1907. C'est l'histoire de l'ouverture en 1917 d'une minuscule épicerie boulevard Saint-Laurent à Montréal. C'est enfin l'histoire d'un homme de vision, Sam Steinberg, qui va construire un empire de l'alimentation qui va compter 115 magasins à son apogée. Cet empire va s'écrouler en 1992, mais il reste que les magasins Steinberg auront marqué notre histoire à un point tel que l'expression « faire son Steinberg » sera à un moment donné synonyme de faire son épicerie. Je suis Monique Ledoux, technicienne au laboratoire de contrôle de qualité Steinberg. Présentement, je vérifie les produits maison. Chaque produit maison Steinberg doit être aussi bon, sinon meilleur, que les grandes marques. Les produits maison Steinberg sont surtout moins chers. Une autre raison pour laquelle c'est encore chez Steinberg que le total de notre commande reste le plus avantageux. Oui, Steinberg est de notre côté. Oui, Steinberg est de notre côté. Faites-en la preuve. Steinberg est de votre côté, disait cette publicité de 1975. Pour nous raconter l'aventure de Steinberg, l'urbaniste et enseignant à l'Université de Montréal, Gérard Baudet. Monsieur Baudet, merci d'être avec nous. Bonjour, ça me fait plaisir. Toujours un plaisir de vous recevoir. Ça commence quand, l'histoire de Steinberg? Ça commence au tout début du 20e siècle, au moment où sa famille s'installe à Montréal. Ce sont des Hongrois qui viennent s'installer à Montréal. Sam Steinberg a 4 ans à cette époque-là. Et on raconte que son père aurait été plus intéressé par la religion que par son métier. Ouais. Et donc, la mère de Sam Steinberg a été obligée de pourvoir aux besoins de sa famille. Et elle aurait ouvert une petite épicerie, justement, sur la rue Saint-Laurent. Et Sam Steinberg, à 12 ans, abandonne l'école et commence à travailler avec sa mère, commence à faire l'apprentissage du métier de commerçant. Éventuellement, on va agrandir l'épicerie, ouais, parce que les affaires vont relativement bien. À 14 ans, déjà. Il a 14 ans quand il l'ouvre avec sa mère, là, mais une deuxième, oui, succursale. Une deuxième succursale. C'est fou quand même. C'est quelqu'un qui a, effectivement, qui a beaucoup de... On dirait qu'il y a beaucoup de drive, là. C'est quelqu'un qui très rapidement va s'imposer. Ouais. Et c'est quelqu'un qui se contente pas d'être un exécutant. C'est ouais, quelqu'un qui va apprendre beaucoup de sa mère d'abord et de toutes sortes d'autres expériences par la suite, là, dont on reparlera. Et tout ça, il va être capable rapidement de mobiliser ces expériences-là pour transformer le marché d'alimentation, mm-hmm, au Québec, littéralement. Et ça va faire cette transmission plus de sa mère, plus son sens vraiment de visionnaire, ça va faire le succès de Steinberg. On a un extrait justement qui est formidable, Gérard Baudet, qui raconte ça. Parce qu'il faut le rappeler, donc, c'est la mère, Ida Steinberg, qui ouvre par nécessité, il faut qu'elle fasse vivre ses enfants, comme vous le disiez, son premier magasin, sa première épicerie. Mais Sam, très jeune, donc, avec cette vision qu'il a, va amener ça vraiment très, très loin. Il va construire un empire de l'alimentation. Écoutez l'extrait qui suit, parce qu'on parle de ça, des deux volets. Ce qui appartient à l'héritage de sa mère, le sens des affaires, mais ce qui appartient à Steinberg. Président national en 1983, André Hinz, qui explique à Madeleine Champagne, justement, ce succès de Steinberg. Qu'est-ce que Sam a appris dans l'épicerie de sa mère? Pourquoi est-il devenu ce géant de l'alimentaire qui s'est très bien diversifié? D'abord, il a appris de sa mère le service à la clientèle. Ça, c'était le premier point. Parce que sa mère savait que dans un commerce comme ça, de service, c'est d'abord le service à la clientèle qui compte. Une pomme de plus, un peu de fromage. Voilà, ouais, une 13e pomme dans la douzaine ou un petit morceau de fromage, goûtez-y avant de l'acheter, vous allez voir. Bon, je vous le recommande personnellement, etc., etc. Service personnel, l'épicier de quartier, comme ça se passait il y a 20, 30 ou 40 ans ici au Québec. Et le trait de génie de Sam Steinberg, ça a été de se rendre compte, 15 ans avant tout le monde, que la concentration urbaine, ça ne pouvait pas durer. Ça avait atteint une masse critique et qu'à un moment donné, il allait avoir la fuite vers les campagnes. Centre d'achat. Multiplication des automobiles, augmentation du niveau de vie dans les années d'après-guerre, etc., etc. Bon, alors Sam Steinberg avait commencé à réserver des terrains en périphérie des grandes villes Et puis, il avait commencé à construire ses centres d'achat. Et puis, il a attendu la clientèle, tout simplement. Elle est venue chez eux, forcément. Ça, on va y revenir. Ça, évidemment, ça fascine l'urbaniste que vous êtes, Gérard Baudet, ce côté visionnaire. Mais il y a de ça, là, le développement de la banlieue. Steinberg va comprendre ça, va l'accompagner, va en profiter. On va y revenir dans un instant. Mais d'abord, sur le côté commerçant. Parce que ça aussi, c'est important dans la philosophie Steinberg. Les publicités qu'on entendait au tout début de l'émission, c'est ça que ça dit. Qualité, mais bas prix. Hein. C'est présent, c'est la bonne affaire. Vous venez chez Steinberg, vous paierez pas trop cher. Ça fait partie de la philosophie Steinberg. Ben, effectivement, ce qui est fascinant, on évoquait les enseignements de sa mère, le service à la clientèle. Ouais. Mais ce qui est particulièrement intéressant chez Steinberg, c'est qu'il va déconstruire la mécanique du service à la clientèle pour la reconstruire autrement. Parce que son trait de génie, c'est d'avoir... visité notamment Loblaw en Ontario et d'avoir compris, d'avoir réalisé que le libre-service, c'était la voie d'avenir. C'est-à-dire que s'il voulait réussir, s'il voulait surtout couper les prix pour avoir le dessus sur ses compétiteurs, il fallait qu'il trouve un moyen d'abaisser les coûts du service à la clientèle. Et donc, c'était essentiellement en transformant le magasin pour que les gens se servent eux-mêmes dans des choses qui étaient pré-emballées. Mm-hmm. Donc, il transforme la nature. Et ça, c'est nouveau, là, à ce moment-là, au Québec. C'est complètement nouveau. Il y a Loblaw qui le fait en Ontario et ça vient à peine de commencer. Il revient et pendant une nuit, il déconstruit tout l'intérieur du magasin pour élargir les allées, pour que les gens puissent circuler éventuellement avec des carrosses et puissent se servir eux-mêmes. Il va révolutionner l'emballage, parce que là, maintenant, les choses doivent être emballées à l'avance. On n'emballe pas au fur et à mesure où les commandes arrivent. Il va même éventuellement fournir de la viande à des chercheurs, parce que le papier cellophane de l'époque tache la viande. Et donc, il va vouloir développer un cellophane qui met en valeur ce qu'on emballe, mais qui ne dégrade pas les aliments. Ouais. Donc ça, c'est absolument fabuleux, cette histoire-là. Et donc, il invente le libre-service au Québec, littéralement, et ça lui permet de réduire considérablement ses coûts. Et cette invention-là, c'est à son 10e magasin, en 1933. Oui, parce que moins de personnel, parce que plus de surface, c'est beaucoup plus de produits, on achète en volume, en masse, et ça coûte moins, on peut faire de meilleurs prix après. Oui, mais ça vient quelques années plus tard. Ça vient en 1937, où là, il est le premier à offrir une gamme étendue de produits. On parle de 2000. Bon, aujourd'hui, ça nous apparaît assez restreint, mais pour l'époque, 2000 produits, ça prend de la surface d'abord. Oui. Et c'est le magasin de l'avenue du Parc qui lui offre cette opportunité, non seulement d'offrir le libre service, mais d'offrir un libre service à une gamme de produits beaucoup plus étendue que toute la concurrence. Il faut se rappeler qu'à l'époque, les épiceries, ce sont encore des épiceries de quartier, des épiceries de coin de rue, avec de très, très petites surfaces. Donc, on n'est absolument pas dans les mêmes ligues. Là. Mm-hmm. Il est seul dans les ligues majeures. Il est moderne aussi dans la manière de disposer les produits, dans l'environnement, en fait, dans le design même de ces épiceries. Là. Les portes, encore une fois, aujourd'hui, on se dit, mais les portes électroniques, ça n'existe pas encore. Lui, il y a ça, la musique dans les magasins. Oui. Ben, tout ça vient dans une deuxième phase. Dans une première phase, son trait de génie, c'est de s'assurer qu'il est en contrôle du local. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'est pas le locataire. Et donc, il avait déjà commencé à cibler des terrains. Avant de commencer son expérience de banlieue en ville, il avait acheté des terrains, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et là, il construisait des bâtiments, souvent des bâtiments avec des logements aux étages, ce qui fait qu'il contrôlait le coût d'accès à son local et il y avait des revenus supplémentaires. Donc, ça lui permettait de continuer à ajouter des magasins, à construire de nouveaux bâtiments. Il s'autofinançait d'une certaine manière par le biais de l'immobilier et c'est ce qui fera sa force éventuellement dans la filière des centres commerciaux. Et donc, ça, c'est un trait de génie. Par la suite, c'est justement de venir ajouter des éléments de service. Mm-hmm. Par exemple, dès la fin des années 30, il comprend l'importance de l'automobile. Il prévoit déjà des stationnements parce qu'il comprend que dorénavant, avec la démocratisation de l'auto et du réfrigérateur, on va pouvoir faire des commandes moins souvent, des commandes plus grosses. L'auto va nous permettre de les transporter. Et donc, il faut accueillir ces automobiles-là. Éventuellement, il y aura des commandes à l'auto, ben oui, quelques années plus tard, il y aura des commandes à l'auto, c'est-à-dire un poste aménagé dans le stationnement où on achemine les bacs en souterrain, sur des rouleaux, sur des courroies. Et là, il y a des jeunes commis qui mettent les sacs dans le coffre arrière des voitures. Et donc, ça permet justement de libérer l'entourage du magasin. Et ça permet toujours justement de fournir un service de qualité aux gens. Le libre-service, on en parlait, mais je pense à un exemple qui encore aujourd'hui nous paraît banal. Le moudre son propre café. Ça existe, ça, chez Steinberg, très, très rapidement. Il y a vraiment cette vision. Oui, ben c'est comme s'il avait toujours été en chevauchement entre ce que représentait le commerce à l'époque de sa mère et ce que lui a fait. C'est-à-dire que c'est comme s'il n'avait pas complètement coupé les ponts. Donc, il y a des choses qui lui apparaissaient toujours valables et il les a perpétuées. et il est venu ajouter un nombre considérable d'innovations en parallèle. Donc, il jouait vraiment sur les deux registres en permanence pour assurer justement le service. Et il a été un des premiers aussi à vouloir fidéliser ses clients avec les timbres Pinkie. Donc, c'était une façon de dire, ben revenez, vous allez avoir des économies parce que plus vous venez, plus vous accumulez de timbres et plus ça peut être intéressant pour vous éventuellement. Et si lui, au tout début, va en Ontario, à Shilobla, voir comment ça se passe, très vite, ce qu'il va faire de cette chaîne de magasins Steinberg au Québec va devenir aussi, va faire école. Ça vient de partout, en Amérique du Nord, visiter les magasins de Steinberg, tellement il y a de l'innovation là-dedans. Oui, puis il est en contrôle. Là. Il y a très, très peu de franchises. Il y en aura là, dans les régions un peu plus éloignées, par exemple au Lac-Saint-Jean, il y aura des franchisés, mais autrement, c'est lui qui est en contrôle de la situation. Donc, il est en contrôle de l'immobilier, il est en contrôle de la stratégie d'implantation, d'abord jusqu'à 1953 dans les quartiers urbains, puis ensuite dans les banlieues. Il a le contrôle financier de tout ce qui permet de réduire ses coûts d'accès à ses locaux. Donc, c'est vraiment une intégration qui est assez fascinante de ce point de vue-là. Et en plus, c'est qu'il accompagne la transformation du Québec. Là. Quand on va passer à la banlieue, il est aux premières loges. Là. Il n'est pas en retard sur le Québec. Un mot sur l'architecture, parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes à dire là-dessus aussi. Encore là, c'est le même qualificatif qui revient, mais modernité. Il y a presque une signature des magasins Steinberg, Gérard Baudet. Ben, tout à fait, parce que ce sont des magasins très bien éclairés par rapport aux premières versions, mais même les premières versions, quand il est capable d'avoir une grande vitrine, il a une grande vitrine, mais les locaux sont de petite dimension. Ben, à partir du moment où ce sont des surfaces confortables, la fenestration devient très abondante, les plafonds sont hauts, il utilise beaucoup de matériaux contemporains, plusieurs bâtiments sont d'une très grande sobriété, mais souvent avec un élément signal, ça peut être une tourelle avec le célèbre S dans la partie haute. À Antique, par exemple, sur le site du métro Henri-Bourassa, avant le métro, il y en avait un, c'était une immense arche qui, encore là, portait le nom. Donc, il y avait véritablement une signature, mais une certaine quand même diversité de traitement architectural qui était due aussi au fait qu'il s'inscrivait à partir des années 53-54 dans des centres commerciaux. Donc là, il y avait un rapport avec quelque chose de plus global qui était important. Oui. Ces années 50, vous parlez de 53-54, c'est vraiment l'explosion. Là. Chaque deux mois, chaque 60 jours, il y a un nouveau magasin Steinberg qui ouvre au Québec quelque part. Oui. En fait, le premier centre commercial qui incorpore au marché d'alimentation, c'est le centre Northgate qui ouvre en 1949 et c'est un magasin Dion qui est associé. Mais à partir de 51-52, les Steinberg deviennent systématiquement associés. Soit qu'il est déjà présent sur le territoire et il ajoute un centre commercial à un moment donné, soit qu'il lance l'opération avec le centre commercial intégré dès le départ. Donc, c'est vraiment une stratégie là qui est très, très, très intégrée. Et en plus, il a ce flair, il sait où aller s'installer. Pour les gens de l'époque, souvent, c'est un peu bizarre. Il est en plein champ, comme à peu près tous les centres commerciaux de l'époque. Mais lui, sait très bien qu'il sera pas en plein champ très longtemps. Ouais. D'abord, il a besoin d'espace au début. Et c'est toujours cette idée aussi d'économiser, c'est-à-dire d'acheter quand ça coûte pas cher pour être capable de retirer les bénéfices quand ça se met à valoir cher. Et de ce point de vue-là, on peut penser que, comme aux États-Unis, ils ont 30 à 40 ans d'avance sur nous en matière de centre commercial. Il a sûrement pris des enseignements de ce côté-là. Il a sûrement compris comment ça se jouait pour être capable ici, aussitôt que la mode des centres commerciaux apparaît, être tout de suite en position stratégique, en position forte. Dans certaines régions, l'arrivée d'un Steinberg, c'est un événement. Oui. Tout le gratin se déplace. On inaugure des Steinberg. Ah oui, c'est des pleines pages de journaux pour dire demain matin, 9h30, il y aura des clowns, il y aura des fanfares, il y aura de ci, de ça. Bon, par exemple, sur la Rive-Sud, Ville-Jacques-Cartier accueille le premier centre commercial de la Rive-Sud. Il faut savoir qu'en 1947, au milieu des années 50, Ville-Jacques-Cartier, c'est une espèce d'immense bidonville. C'est pas de la banlieue haut de gamme. Là. C'est vraiment assez terrible ce que les gens subissent. Et là, il y a des gens qui, à un moment donné, se disent il faut sortir de ce type d'urbanisation-là. Donc, on commence à travailler cette banlieue-là, on met des services et tout ça. Donc, d'accueillir le premier centre commercial de la Rive-Sud, c'est pas rien. Et donc, le maire est souvent présent sur place. C'est un événement et partout, là, encore dans les années 70, quand on ouvre un Steinberg, là, c'est à pleine page de journaux. Là, c'est un événement. Pour certaines municipalités, c'est la rive l'arrivée de la modernité. Mm-hmm. Je veux dire, on fait partie des grands maintenant. Là. Ouais. Il va aussi il va faire des acquisitions, forcément, surtout dans les provinces voisines, hein? Ontario, oui. Nouveau-Brunswick. Oui. En Ontario, beaucoup dans la région d'Ottawa, oui. Un peu dans la région de Toronto. Il va être présent aussi au Nouveau-Brunswick. Un petit peu aux États-Unis. Il va faire quelques acquisitions aux États-Unis. Ça ne sera pas nécessairement les choses les plus heureuses qu'il aura fait. Donc, expansion, achat, acquisition, expansion territoriale, diversification aussi. Oui. Il va créer bon, Miracle Mart, Ivanhoé, on parlait des centres commerciaux. Il se donne une bonne base, là, une compagnie de d'immobilier. Et ça, c'est intéressant, justement, cette création d'une entreprise. Il va être le plus gros promoteur immobilier du Québec à un moment donné, à travers les possessions des centres commerciaux, des bâtiments qu'il possédait auparavant et d'un un certain nombre d'autres bâtiments, d'autres terrains. Donc, il crée une entreprise qui est aujourd'hui Ivanhoé Cambridge, qui est un des fleurons de la Caisse de dépôt et placement du Québec. C'est lui qui crée ça. Et c'est à travers Ivanhoé, d'une part, qu'il construit beaucoup de centres commerciaux, mais c'est aussi à travers Ivanhoé qu'il s'associe à d'autres, à Westcliff, par exemple. Donc, dans les opérations comme le Carrefour Laval, le Saint-Bruno, dans l'Ouest Island, ces grands centres commerciaux-là, qui ne relèvent pas entièrement d'Ivanhoé, il est un partenaire de premier plan. Pas seulement parce qu'il y a un magasin, pas seulement parce qu'il y a aussi un Miracle Mart à bien des occasions, mais parce qu'il est co-producteur de ces grands centres commerciaux-là. Donc, il en retire des bénéfices considérables. Un volet qui est intéressant aussi, puis qui fait partie de ses antennes. Il a des antennes, cet homme-là. D'ailleurs, c'est dans la francophonie qu'il va évoluer. Au Québec, Nouveau-Brunswick, la région d'Ottawa, c'est là que ça va bien marcher pour lui. La langue. Oui. Là encore, c'est remarquable. Bien avant l'adoption de la loi 101, Steinberg va comprendre que ça se passe en français, dans ses magasins. Il va renoncer au S de Steinbergs. Oui, oui. Il fait disparaître le S. Il impose le bilinguisme. Et dans le Québec de l'époque, des années 60, il faut comprendre qu'imposer le bilinguisme, c'est sur le dos des Anglais et non pas des francophones. Là. C'est à eux qu'il dit... Ce sont nos clientèles, ce sont d'abord et avant tout des francophones et on va travailler dans les deux langues, mais vous allez être capable de travailler avec eux en français. Et effectivement, il fait disparaître le apostrophe S qui était sur ses logos depuis l'origine, justement un peu en reconnaissance de ce lien privilégié qu'il a avec les communautés francophones un peu partout au Québec. Puis à côté pragmatique, là, il se dit, sur le S, il se dit, de toute façon, il n'y a pas un Québécois francophone qui dit Steinberg, tout le monde dit Steinberg. Effectivement. Bon. C'est fait, Steinberg a accepté l'offre d'achat conjointe faite par Provigo et Métro Richelieu. Dans une lettre de 2 pages, Michel Gaucher, le président de Soconave, informe les 114 marchés d'alimentation Steinberg qu'ils vont changer de bannière puisqu'il a accepté aujourd'hui même la proposition des deux autres géants québécois de l'alimentation. Le syndicat en a été officiellement informé ce matin. La transaction est faite. Le choix des bannières doit se faire entre Métro Richelieu et Provigo. Puisque Steinberg, la seule chose qu'elle a fait avec Métro Richelieu Provigo, c'est la transaction. Le secteur de l'alimentation de Steinberg emploie 10 000 personnes. Et le syndicat craint que la vente à Provigo et Métro Richelieu entraîne des centaines de mises à pied. Vous savez comme moi... Alors, Gérard Baudet, c'est donc en 1992 que Steinberg est vendu à Provigo et à Métro Richelieu. C'était... un bon coup, ça marchait bien, 115 magasins à l'apogée, diversification dans plein de secteurs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ben, il y a toutes sortes de facteurs. Il y a eu quelques mauvais calculs à l'occasion. La diversification des activités à travers, par exemple, les dépanneurs, la chaîne de la maisonnée. Il y avait des comptoirs alimentaires, pique-nique et un autre comptoir alimentaire. Il y a Cardinal qui était un comptoir, un magasin où on achetait sur catalogue. Miracle Mart a connu des sérieuses difficultés assez tôt après sa création. Donc, ça a plombé un petit peu le géant. Et il faut voir aussi que la concurrence, à un moment donné, s'est ajustée. Là. C'est beau dire on était 15 ans en avance à un moment donné, mais les gens ont fini par comprendre et ont fini par s'ajuster. Donc, la concurrence était un peu plus féroce. Ouais. Il offrait des conditions de travail nettement supérieures à ce que le milieu offrait en règle générale. Donc, si la concurrence s'accroît et qu'on paye plus cher nos employés, à un moment donné, les marges de manœuvre sont plus restreintes. Et ce qui va achever le tout, c'est à sa mort, ouais. C'est légué à sa famille. Qui meurt en 78, c'est ça? Oui, et là, la bisbille prend. Ouais. Les gens s'entendent pas, ça joue très, très dur. Et donc, il n'y a pas de stratégie de passage de relais. On assume mal cet héritage-là et donc les choses se mettent à se dégrader. À tel point qu'en 88, la presse nous apprenait que Steinberg va complètement réorganiser orienter sa stratégie sur l'immobilier. C'est-à-dire que c'est Ivanhoé qui va devenir le pilier parce que le marché alimentaire, ça va pas très bien. Là. C'est pas très reluisant. On n'abandonne pas complètement, mais on veut vraiment mettre l'accent davantage sur l'immobilier. Et c'est dans ce contexte-là, 88, dès ce moment-là, quelques temps après, il y a une offre qui est faite par la Caisse de dépôt et Steinberg passe aux mains de la Caisse de dépôt. Et la Caisse de dépôt est partenaire dans l'acquisition des magasins Steinberg avec Gaucher. Et à ce moment-là, la Caisse se garde Ivanhoé. Gaucher prend en charge les magasins Steinberg. Mm-hmm. Et 3 ans plus tard, c'est fini. On met la clé dans la porte et on vend les magasins. Et la dépouille est partagée entre Métro, Provigo et IGA. Ouais. C'est souvent le cas, hein, les histoires de on dit que la troisième génération, c'est difficile en affaires. Là, on a un beau cas de ça. La mère qui part à la petite entreprise, le fils visionnaire, qui sont quelques enfants, mais c'est Sam qui va mener cette affaire-là, qui va en faire un empire. Puis à la troisième génération, ça s'écroule, là, oui, avec les filles qui vont s'entre-déchirer. Et c'est probablement dû aussi en partie au fait qu'il a occupé tellement de place que probablement qu'il n'a pas été capable de préparer la relève. Ouais. C'est-à-dire qu'il a occupé toute la place jusqu'au dernier moment. Et donc, quand il disparaît, ben il incarne tout. Il incarne la stratégie, il incarne les modalités de fonctionnement. Il incarne à lui seul la culture Steinberg. Et donc, sa disparition fait que tout ça tombe à vide un peu. Oui, c'est toi, Steinberg! Et personne d'autre que toi, Steinberg! Il en reste quoi de Steinberg dans la mémoire collective, mais plus que ça, probablement, je dirais, dans ce qu'il nous a laissé comme héritage? Ben, il a révolutionné le marché de l'alimentation. Juste donner un exemple, dans les années 1920, sur le plateau Mont-Royal, il y avait 600 quelques petits marchés alimentaires. Aujourd'hui, il y a 15 grands marchés, puis à peu près une centaine de petits marchands spécialisés. Là. C'est vraiment un bouleversement complet de l'offre alimentaire. Pour ceux qui ont l'œil, les magasins. On les reconnaît. Il en reste un bon nombre qui ont changé de bannière, évidemment, dans bien des cas. Il y en a même quelques-uns qui ont changé complètement de fonction. Ouais. Mais quand on a l'œil, on reconnaît. On se dit ça devait être un Steinberg d'une certaine manière. Il reste Ivanhoé, qui est un fleuron de la Caisse de dépôt. C'est très, très méconnu. On n'est pas conscient que Ivanhoé Cambridge, c'est en partie l'héritage de Sam Steinberg et de son frère immobilier qui profite à l'ensemble du Québécois. C'est un portefeuille qui a explosé littéralement, mais c'est à partir justement de l'héritage de Steinberg que la Caisse de dépôt a pu se lancer dans l'immobilier en faisant l'acquisition justement d'Ivanhoé à l'époque. Et qui sont, bon, d'abord des centres commerciaux, mais c'est beaucoup plus que ça. Là. C'est devenu des immeubles un peu partout. Des immeubles à bureaux. On est vraiment dans toutes les sphères de l'immobilier maintenant. Gérard Baudet, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Gérard Baudet, professeur d'urbanisme à l'Université de Montréal, directeur de l'Observatoire sur la mobilité durable. Toujours un grand, grand plaisir, M. Baudet. Vous revenez quand vous voulez. Il y a une émission qui donne des cartes chouchous. Je vous en donne une, bon. Je pense. Merci. Merci à toute l'équipe de l'émission également, à la réalisation André Martineau, les recherchistes Caroline Morin et Marie Caillé, stagiaire à la recherche Caroline Desruisseaux, à la recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Pierre Plante. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.